y a simplement quatre sujets que l'on peut aborder en littérature, la puissance, l'amour, la sexualité et la transcendance. Tel était le point de vue de notre invité du jour en 1979. Auteur majeur de la nouvelle vague de la science-fiction des années 70, il a au long de son œuvre anticipé les changements majeurs dans les rapports de pouvoir entre les médias, la finance, l'addiction à l'information permanente ou l'écologie radicale. C'est lui qui, dès 1968, imagine un président noir à la tête des États-Unis. Pour lui, la science-fiction se doit d'être politique, engagée, vociférante, parfois punk, nourrie autant par Norman Mailer, Kerouac, Burroughs que par Michael Moorcock, Bob Marley ou les Sex Pistols. Norman Spinrad est depuis près de 50 ans l'enfant terrible de la science-fiction contemporaine. Norman Spinrad est notre invité pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Norman Spinrad. Ah, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit portrait que je viens de faire de vous? Vous disiez, hein, en 79, je pense qu'il y a quatre sujets que l'on peut aborder en littérature. La puissance, l'amour, la sexualité et la transcendance. Est-ce que vous le pensez toujours aujourd'hui en 2017? Je ne sais pas si c'est tout en même temps. Hein. Et alors, est-ce que vous avez l'impression que depuis vos débuts, depuis vos premiers romans, vous ne faites toujours que parler de puissance, d'amour, de sexualité et de transcendance? Est-ce que ce sont toujours vos quatre thèmes principaux? Bah, c'était mon premier roman, effectivement. Mon premier roman, c'était Les Solariens. More of a space opera. Et c'était plutôt une sorte de space opéra. Et à l'époque, bien sûr, je ne savais pas ce que je faisais. Donc, à l'origine, quand j'ai commencé à écrire des romans, c'était un roman qui était une sorte de space opéra sophistiqué. Mais il y avait une sous-histoire, bien sûr, avec la différence traditionnelle. That's a family that you grow up into. Entre la famille classique traditionnelle dans laquelle on grandit, la cellule familiale traditionnelle, et ce que j'ai appelé une famille organique, où les gens choisissent quelles seraient les relations avec les autres. Donc, c'était une petite partie quand je l'ai écrit, ce livre, mais plus tard, c'est devenu quelque chose que faisaient les gens dans les communautés, dans les communes. Et j'ai rencontré des gens, même encore aujourd'hui, des années plus tard, il y a des gens dont les vies ont été changées, ont été améliorées par cet aspect du livre. C'était la partie sociale et la partie sociologique, et la partie culturelle plutôt que le space opéra, quoi, qui était assez sophistiqué quand même. On va reparler tout à l'heure des Solariens. Je rappelle que vous avez obtenu un Bachelor of Science en 61. Est-ce que vous avez continué, est-ce que vous continuez aujourd'hui à vous intéresser à l'actualité scientifique? Je pense que la science-fiction, d'une certaine manière, en fait, c'est pas un bon terme pour ce qu'on fait. On préfère plutôt la fiction de spéculation plutôt. But, ceci dit, si vous parlez dans votre livre d'un monde du futur, d'un monde de l'avenir, on ne peut pas éviter de parler de la science du futur, de la science de l'avenir, parce que c'est au cœur de notre vie en tant qu'espèce. Donc c'est la fiction de la spéculation, et ce que j'ai écrit qui parle du futur, en fait, ce n'est pas basé sur la science. Mais en même temps, je pense que si on parle de l'avenir, il faut d'abord comprendre la science de l'avenir et parler de ça, écrire des choses là-dessus. Greg Benford, qui est un très bon romancier et un astronome très, très important, il disait, lui, que moi et des gens comme moi, do not play the game like tennis. On ne joue pas le jeu, down. Hein, comme le tennis, on joue sans filet, en fait, en quelque sorte. That, donc ça veut dire If you're going to write about si on va parler de la technologie et de l'avenir, il faut savoir de quoi on parle. Et il ne faut pas violer les règles de la masse et de l'énergie. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, la fiction de la spéculation doit, à mon avis, et Benford aussi, il pense la même chose, ça doit fonctionner à l'intérieur des lois de la science. Ça doit respecter les lois de la physique de l'univers. Et même si on ne parle pas particulièrement de comment la science fonctionne, comment ça change la culture, mais on ne peut pas ignorer cette science. Aujourd'hui, par exemple, Norman Spinrad, vous êtes intéressé, curieux par des découvertes récentes comme les ondes gravitationnelles ou l'édition génétique de l'ADN avec des ciseaux, les petits ciseaux CRISPR-Cas9. C'est des choses qui vous intéressent, qui vous touchent, qui vous inspirent ? Absolument, tout à fait. Le magazine Science, non, c'est pas Science, c'est Nature, qui est la publication définitive sur la science. Moi, j'ai écrit des histoires pour Nature aussi, où le public principal, c'est un public de scientifiques. Et là, toutes les semaines, on reçoit le magazine, donc je suis très impliqué dans la science-fiction et en tant que lecteur aussi. Et je ne veux absolument pas violer les vraies règles de la masse et de l'énergie. Tout le reste, c'est la spéculation. Vous dites, vous avez toujours eu un rapport un peu problématique avec ce terme science-fiction. Vous préférez anticipation, par exemple. C'est toujours le cas aujourd'hui. Vous préférez parler de littérature d'anticipation. Le terme science-fiction n'est pas un terme avec lequel, dans lequel vous reconnaissez votre littérature. Oui et non. Actuellement, je suis fasciné parce que quand j'étais garçon, on m'a donné un livre qui s'appelle La Terre parmi les étoiles, entre les étoiles, où l'explication scientifique de l'explication de notre système solaire, c'était que ça a été provoqué par une autre étoile qui s'est rapprochée de notre étoile et donc a arraché la matière pour créer le système solaire. Et c'était accepté à l'époque, c'était la théorie de l'époque. Bon, bien sûr, c'était faux. Et maintenant, et j'ai écrit une nouvelle là-dessus qui vient de sortir dans Asimov, qui s'appelle L'épée de Damoclès. Et ça parle de ce qui arrive quand on voit qu'il y a des centaines de civilisations ailleurs, mais on n'arrive pas à communiquer avec eux en raison de la vitesse de la lumière, qui est la limite de la vitesse de la communication. Donc c'est comme si on parlait avec quelqu'un et on doit attendre, on dit bonjour et on doit attendre plusieurs siècles pour que quelqu'un réponde bonjour. Donc moi je suis fasciné par l'astronomie actuellement. Et je pense que ça va changer notre culture de façon profonde. Parce qu'on est à très peu de vérifier que la vie existe partout, que la vie est la conséquence de la physique de l'univers. Bon, ce n'est pas que ça, mais actuellement, ça m'intéresse beaucoup. On a souvent loué, et on le fait encore, votre capacité de projection, d'anticipation dans un certain nombre de vos romans, Buck, Jack Baron et l'éternité, bien sûr, mais dans le désordre, en direct également, dans Rock Machine, l'anticipation de l'évolution de l'industrie musicale. Est-ce que vous-même, en tant qu'auteur, il y a un moment donné où vous vous êtes dit « là ». J'ai vu juste, des années en avant, j'ai mis le doigt sur quelque chose et je ne me suis pas trompé. Rock Machine. J'ai écrit Rock Machine parce que des années avant, j'ai fait il y avait une conférence là-dessus avant d'ailleurs, et on m'a demandé de chanter sur un disque. Et j'ai dit à Richard Pinhas ce qu'il faisait, j'ai dit mais je ne peux pas le faire. Je ne suis pas chanteur, moi. Et il dit, t'inquiète pas. Donc, tu vas être, on va améliorer ta voix et tout, on va travailler dessus électroniquement. Donc, je l'ai fait. Et des années plus tard, je me suis dit que si moi, je peux être un chanteur robot en quelque sorte, un chanteur robotique, n'importe qui peut le faire. Et si n'importe qui peut le faire à ce moment-là, on peut le faire sans qui que ce soit. Et c'était ça le début de Rock Machine. Et maintenant, c'est vrai, maintenant on le voit. C'était un exemple de comment les progrès technologiques et scientifiques influencent la culture elle-même, et ici c'était la musique. Et donc nous avons maintenant une culture très différente maintenant en raison justement de la technologie que nous possédons, la technologie avec la musique, la technologie de l'Internet. Quand j'ai commencé à écrire, il n'y avait pas d'Internet. Alors que j'ai écrit un roman qui s'appelait La Grande Guerre des Bleus et des Roses, où il y avait une démocratie électronique et on votait. Je n'appelais pas l'Internet, je ne me rappelle plus comment je l'appelais, mais c'était l'Internet avant l'heure, en quelque sorte. Donc, je pense que être au courant de la science et de la technologie, c'est tout à fait nécessaire si on parle du futur, de l'avenir culturel. Ce n'est pas la seule chose, absolument pas. Et c'est pour ça que je n'aime pas le terme science-fiction. Et je préfère spéculation, anticipation. Et par exemple, la fantasy, c'est la fantasy. Parce qu'il y a un élément dans la fiction qu'on sait être impossible. Dans l'anticipation, ou les choses que moi j'écris, on peut l'appeler la science-fiction, mais on ne va pas aller contre ce qu'on sait. On peut l'agrandir, on peut l'étendre, on peut faire de la spéculation, mais on ne va pas violer la science elle-même, la science connue. Mais ce n'est que la moitié de ce que je fais. Mais c'est nécessaire. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Norman Spinrad est l'invité de la méthode scientifique et on va aller faire un peu d'archéologie littéraire et politique dans votre carrière. Norman Spinrad, si je vous demande quel est votre premier souvenir de science-fiction, d'anticipation marquant, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre, une image, une idée, une pensée, votre premier souvenir qui serait lié à la science-fiction ? Jack Byron et l'Éternité. Jack Baron et l'Éternité. C'est un bon exemple de ça, justement. Il y avait beaucoup de science-fiction qui avait été faite sur l'immortalité. Et quel est le futur pour les immortels? Mais d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, c'était les gens qui avaient de l'argent, qui allaient pouvoir vivre beaucoup plus longtemps que tous les autres. Et donc, l'histoire, à l'époque, c'était quel pouvoir politique serait capable de combattre ça, qui pourrait être l'adversaire. Et bien sûr, c'était la télévision, je me suis dit. C'était la télé. Et c'était ça le début de Jack Baron. Mm. This was written in 1967. Et je l'ai écrit en 67, et c'est une époque où il y avait des guerres culturelles. Et j'essayais d'imaginer comment ce serait 10 ans, 20 ans plus tard. Et quand tu as eu l'échec, quand ça n'a pas eu lieu, en fait, Jack Baron, le personnage, était... à l'origine, c'était un homme politique qui a renoncé et il est devenu star de la télé, vedette de la télé. Des années plus tard, beaucoup d'années plus tard d'ailleurs, il y a eu des politiques, des hommes politiques et des personnalités de la télévision, enfin des personnalités de la télévision qui sont devenues des politiciens comme ça. J'ai prédit une chose et c'était que ça allait être beaucoup plus libertaire dans le sens américain du terme que quelque chose de droite. Malheureusement, ceux qui ont suivi le concept de la télévision que j'avais, malheureusement, c'était des fascistes de droite, quoi. Et il y avait Berlusconi. Et là, je ne l'ai pas prédit, d'ailleurs, tout à fait. On a Donald Trump. Là, d'une autre manière, vous avez Macron. Parce que Macron... Macron et Trump, ils savaient quelque chose. Peut-être pas consciemment. Macron, oui. Mais Trump, non. Mais c'est que l'âge d'un système biparti ou multiparti, la démocratie électorale, en fait, c'est terminé maintenant. C'est fini. Parce que Trump, en fait, il a utilisé Twitter et tout ça pour se faire élire. Macron a créé son avatar personnel qui n'était pas vrai, qui était faux. Et il s'est fait élire, il a créé un nouveau parti en 5 minutes. Trump, il a repris un autre parti, tout simplement. Donc voilà, il a sauté cette étape. Mais la technologie moderne fait que la politique des partis est obsolète. Il s'agit maintenant de la personnalité, la célébrité et accès à, d'avoir accès à la machine. Twitter, etc. Si vous êtes célèbre, on peut mettre n'importe quoi sur Twitter. Si vous avez assez d'argent, vous pouvez le faire. Et on voit ça. On voit ça partout. C'est vraiment... Bon, je n'ai pas écrit quelque chose là-dessus, tout à fait, mais c'est... C'est une démocratie post-parti que nous vivons actuellement. La démocratie électorale, en soi, est en danger, est en péril, parce qu'il s'agit de la célébrité et il s'agit de l'audimat et rien d'autre. Donc je n'ai pas écrit quelque chose là-dessus, je travaille un petit peu là-dessus, mais c'est un changement important. Mais vous avez écrit dans Man Speedrad quelque chose d'intéressant, vous avez écrit à un moment donné, en répondant à une interview, « Si la littérature a un sens et l'écrivain une mission, c'est peut-être non pas de prédire le futur, mais de contrecarrer un mauvais futur, de proposer une alternative. » Est-ce que ça veut dire que la science-fiction... Vu ce que vous décrivez avec Trump ou Emmanuel Macron, est-ce que ça veut dire que la science-fiction a échoué à contrecarrer ce mauvais futur ? Oui. Si on regarde les médias et la littérature en général maintenant, j'étais président d'un jury de films de court-métrage à Rennes, et 80% des choses... C'était déprimant et c'était négatif. Donc, en tant qu'auteur de fiction, d'anticipation, personnellement, je pense qu'une partie de ce que nous avons fait, en fait, c'est la cause de cela. Il suffit de regarder les deux franchises de science-fiction les plus populaires qu'on voit actuellement. Il y a Star Trek. J'ai travaillé là-dessus, je connaissais Gene. C'était très positif. Vous avez même écrit un scénario pour un épisode de Star Trek. Et l'autre, c'est quoi? C'est la guerre des étoiles, c'est Star Wars. C'est une guerre permanente. Et à mon avis, ce que nous imaginons, d'un point de vue de la fiction, que ce soit dans un livre ou un film, ou peut-être même dans la musique, ça a un impact sur la culture. Et comme j'ai dit, John Kennedy a dit, c'est beaucoup mieux d'allumer une bougie que de râler contre le noir. Moi, bon, je l'ai fait, moi, je maudis le noir, mais en fin de compte, et je pense que je respecte cette idée depuis une cinquantaine d'années maintenant, là, je ne vois pas pourquoi je devrais écrire quelque chose ou créer quelque chose qui laisse le lecteur dans une situation pire qu'avant. Je n'ai pas envie de le faire. Donc je pense que d'avoir une vision d'alternative, c'est quelque chose de positif. Et d'un certain point de vue, en tant qu'auteur de fiction d'anticipation, je pense que c'est une responsabilité morale et politique. Bon, je ne l'ai pas fait parfaitement, mais de façon générale, oui. Alors, il y avait un panel ici avant sur la dystopie et l'utopie. En réalité, la dystopie de l'un, c'est l'utopie de l'autre, quoi, comme dans Le Rêve de Fer, d'ailleurs. Mais l'idée, c'est d'essayer d'imaginer quelque chose qui est meilleur. Pas parfait, parce que rien ne sera parfait. Et donc, j'ai écrit Bleu comme une orange, où on a cette culture post-changement climatique. Le communisme est disparu, le capitalisme aussi d'ailleurs. Mais l'évolution qui m'intéressait, moi, n'était pas tellement la science, mais plutôt l'évolution morale. Il y a quelque chose dont il faut parler quand on parle de votre œuvre, Norman Spinrad, c'est sa dimension politique. Vous avez toujours voulu la source d'une littérature et d'une littérature d'anticipation politique. Vous écriviez « Je me suis mis à écrire dans une grande période de bouleversement politique et culturel pendant laquelle les gens se passionnaient pour le futur. C'était le début des années 60, le boom de l'underground, l'époque de Dune, l'explosion du rock et de la pop musique et aussi de la SF et de la bande dessinée. Ces genres-là, c'était la contre-culture. Aujourd'hui, c'est devenu de la culture mainstream. Quelle est, selon vous, Norman Spinrad, aujourd'hui, la contre-culture de 2017 ? Vaste question. C'est nécessaire de dire ça en français, parce que ça ne marche pas en anglais. C'est politique et politique politicienne. Je ne suis pas, je crois... All right. In English, then. I don't think that I'm a political science fiction writer in the sense of je ne suis pas auteur de science-fiction dans le sens de politique politicienne, mais dans la définition beaucoup plus large de la politique, on ne peut pas parler de l'avenir et on ne peut parler du présent d'ailleurs dans un livre sans parler de la réalité politique dans le sens plus large. Donc, là encore, ça marche mieux en français qu'en anglais, d'ailleurs. Je suis un écrivain, pas de politique politicien, mais engagé. It's hard to say this in English. Là, à dire en anglais, c'est très compliqué. C'est très clair en français. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous parlez de ce qui vous a amené à la littérature, alors vous dites que le choix de la SF a été un choix un peu subconscient, et les auteurs que vous citez, c'est pas du tout des auteurs de SF, c'est Burroughs, Kerouac, Henry Miller, Norman Mailer. Comment ces auteurs-là vous amènent, vous, malgré tout, à faire le choix de la science-fiction ? C'est tellement intéressant. It's very interesting for me because, c'est très très intéressant pour moi parce que quand j'ai commencé à écrire la science-fiction, je ne connaissais absolument pas la culture des fans de science-fiction, des amateurs de science-fiction. Mes modèles littéraires à l'origine, c'était Theodore Sturgeon et Alfred Bester et Philip K. Dick. But also Norman Mailer. Norman Mailer, effectivement. Jack Kerouac. Jack Kerouac. And Henry Miller. Et Henry Miller. And I saw no contradiction et in that. Et il n'y avait pas de contradiction là-dedans avant d'aller dans les conventions des science-fiction. that was my introduction. I didn't c'était know any ça, other writers. Mes débuts, en fait, je connaissais pas d'autres auteurs. Mon père était, il lisait énormément. C'était un grand lecteur. Et quand il y avait Tropique de Cancer qui a été publié par Tropique de Cancer d'Henry Miller, c'était un roman qui a vraiment brisé les tabous. Et mon père, il a lu ce roman tout de suite. Moi, j'avais 16 ans, peut-être. Et il me le donne. Et il dit, il faut que tu lises ça maintenant. Not for the sex, but for the style. Pas pour le sexe, mais pour le style. Donc, au début, dès le départ, d'une certaine manière, en tant qu'auteur de science-fiction, j'étais très naïf. Je lisais ce que je lisais. Theodore Sturgeon, comme j'ai dit, Phil Dick, et les autres, quoi. Mais je ne le voyais pas comme étant quelque chose de différent, de distinct de ce que je lisais avec Henry Miller ou avec Norman Mailer et tous les autres. C'était pareil. Mais vous avez été très engagé politiquement, alors sans politique politicienne, mais vous avez été une personnalité engagée à la fin des années 50 contre la guerre du Vietnam, la lutte pour les droits civiques, pour la libération sexuelle aussi. Comment l'anticipation est devenue un véhicule de ces combats-là ? Pourquoi avoir choisi l'anticipation pour véhiculer cet engagement et ces combats, Norman Spinrad ? D'une certaine manière, on ne peut pas parler du présent parce que, une fois le livre écrit, le livre publié, c'est déjà le passé. Donc, quand j'avais, je ne sais pas, peut-être 5 ans, j'avais cet oncle qui était un petit peu communiste sur les bords. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner quelque chose à lire ? Donc il me donne une image globale. Et il m'a donné l'histoire de H.G. Wells. Les prémices de l'histoire. Et bien sûr, il écrivait ce genre de fiction. Et bon, c'est une histoire un peu longue, mais je pense que la naissance de la science-fiction moderne a eu deux courants. Il y avait Verne, Jules Verne d'un côté, et H.G. Wells de l'autre. Et ils étaient en conflit un petit peu entre eux. Il y avait des conflits entre les deux. Mais Verne disait que Wells ne faisait pas assez attention à la technologie, mais en fait, elle a eu tort parce que Wells, il connaissait très très bien d'ailleurs. Et il faisait très bien. Et Wells a critiqué Verne parce qu'il n'était pas assez impliqué, engagé socialement et politiquement, ce qui n'était pas vrai non plus. Donc voilà les deux courants de la science-fiction. Et d'une certaine manière, moi j'essaie de les rejoindre. Et l'anticipation de la nouvelle vague, d'une certaine manière, a fait ça. Parce que ce que j'ai écrit en tant que critique à l'époque, science fiction, c'était que la science-fiction parle de la grandeur, de l'avenir, du futur, d'un grand futur, d'un grand avenir, in a superficial manner. Mais de façon superficielle. And what was considered literary fiction today, et la fiction littéraire de l'époque, ce qu'on appelait la fiction littéraire à l'époque, ça, c'était beaucoup plus sophistiqué, il y avait une prose beaucoup plus sophistiquée to describing pour décrire what was going on in their own navels, ce qui se passait dans leur nombril, dans le nombril des auteurs. Et donc, mon idée, c'était de... L'idée, c'était de mettre les deux choses ensemble pour avoir une fiction moderne complète. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Norman Skinrad, racontez-moi pourquoi ce morceau vous fait rire. On l'a choisi exprès pour vous. Je ne sais pas où vous avez trouvé ça. Hein. C'est une de mes chansons préférées. Et j'ai fait quelque chose dans Libé. Ils m'ont demandé quelle était la chanson dont j'avais la plus honte, en fait. Et c'était ça, c'était Balls to the Wall. Voilà. Quand j'ai écrit Ces hommes de la jungle, et c'était un livre un peu polémique, un peu controversé, l'éditeur, Larry McAshmead à Doubleday, quand j'ai eu le contrat pour Jack Barron, j'ai dit, mais quels sont les tabous? Quelles sont les choses que je ne peux pas faire? Et il a dit, rien, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de règles. Et j'ai pris ça au sérieux. Hein. J'ai pris ça à la lettre et pas eux. Et ils l'ont rejeté, d'ailleurs. Ils l'ont refusé. Ils ont dit, non, il faut enlever toute la politique et tout le sexe. Et j'ai dit, bon, bah, ça va être une nouvelle assez longue, mais bon. Et depuis, bon, les gens ont dit ça de moi, mais moi, je n'ai pas eu l'intention consciemment de briser les tabous. My attitude towards that was, I write as if this doesn't exist. Je me disais, j'écris comme si ça n'existait pas. C'est ça mon point de vue. C'est pas mon travail de faire autrement. J'écris ce qui existe. J'écris ce que je fais. And part of that, I suppose, was that experience. Que c'était cette expérience, mais aussi quand j'ai commencé, je lisais Henry Miller et des choses comme ça. Donc en fait, je ne faisais pas attention à ces au genre. En fait, le genre, c'est quelque chose que je déteste. Parce que le genre, c'est quoi en fait? Le genre, c'est une série de règles de ce qu'on ne peut pas faire et de ce qu'on doit faire. Et ça, moi, je fais pas attention. Et j'ai eu beaucoup de problèmes, d'ailleurs, justement. Je rappelle que Jack Baron, vous n'avez pas pu l'éditer aux États-Unis, que vous avez pu l'éditer en feuilleton en Grande-Bretagne grâce à votre rencontre avec Michael Moorcock, et que même lors de cette édition, ça a posé des problèmes et la revue a été retirée de la vente dans certains pays du Commonwealth pour Jack Baron, parce que c'était considéré comme de la pornographie. Donc on l'a retiré en partie de la circulation. Oui, on m'a dénoncé au Parlement britannique, à la Chambre des communes, on m'a traité de dégénéré. Et ils utilisaient ça, je pense. Là, ils parlaient de certains mots dans le texte. Et maintenant, le sexe, c'est tout à fait banal. C'était un homme et une femme qui font... Voilà, mais il s'agissait vraiment, je pense, de la politique. Parce que dans ce livre, et j'ai fait quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque, et j'imaginais la politique de l'avenir, du futur, j'utilisais le nom réel de vrais partis politiques, ce qu'ils représentaient et ce qui était contre. Et c'était ça, je pense, l'élément révolutionnaire de ce livre. Ce n'était pas le sexe. Maintenant, ça n'a aucun sens, quoi. Ce n'était pas pour me moquer des tabous. Ce n'était pas ça l'idée. Avec ces hommes de la jungle et Jack Baron, l'éditeur m'a dit non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais c'était faux. Mais bon, depuis, ça me marque. Et bon, ça provoque des problèmes éventuellement. Mais parfois, les choses sont difficiles à éditer, à faire éditer. Mais je le fais depuis longtemps et c'est ce que je fais. Je voudrais revenir un instant à la musique, après ce morceau de Accept qui date de 1983, Balls to the Wall, parce que pour un produit, pour un pur produit de la contre-culture des années 60 que vous êtes plutôt Bob Marley que Patti Smith, vous êtes plutôt Rolling Stones que Sex Pistols. Ah. Patti Smith is okay. Sex Pistols. Patti Smith, ça va. Les Sex Pistols. Said things that couldn't be said. Ils disaient des choses qu'on ne pouvait pas dire, mais ils étaient bons. It's complicated. Mais c'est compliqué. I think that one of the problems with the counterculture. Je pense qu'un problème avec la contre-culture, c'est qu'on soulignait trop la musique. On focalisait trop là-dessus. There was no. Il n'y avait pas de leadership politique qui avait un sens. Il n'y avait pas de vision d'un avenir qui pourrait fonctionner correctement. Alors, j'ai écrit, bien sûr, Rock Machine, c'est Rock Machine, sur l'histoire du rock, etc., du rock and roll, mais aussi, et je ne me rendais pas compte, qu'après avoir écrit le livre, en fait, c'était l'enfant de la fortune. L'enfant de fortune. Et c'est une sorte d'utopie, d'une certaine manière. Et c'est une utopie anarchique. Il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas besoin de gouvernement. Et quand j'ai écrit ça, là, je ne pensais pas à ça. C'était tout simplement comme ça que ça marchait. Et comme j'ai dit sur un panel tout à l'heure, une utopie ne marche pas parce que la fiction a besoin de drame. Mais là, c'est une société très avancée. Vous avez des drames personnels au sein de n'importe quelle société. Et on peut imaginer une société meilleure sans avoir quelque chose d'évident, mais on a une histoire au sein de cette société qui est basée sur les vies des personnages. Et je pense, si une société est parfaite, en fait, les gens, ils vont avoir des problèmes. Ils vont avoir des aventures amoureuses qui ne vont pas marcher. Ils vont avoir des aventures amoureuses qui vont marcher. Ils vont avoir des problèmes avec leur famille. Ils vont, etc. Donc, et les premières critiques de ce roman disaient, bon, tout ça, c'est des histoires des années 60. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agissait d'une société d'un avenir lointain qui a réussi dans la transcendance de la culture de l'actuel, mais du présent. À propos des utopies, justement, j'aimerais que vous me racontiez, parce que vous avez construit une utopie très célèbre dans Rêve de fer. Rêve de fer, je le rappelle, c'est le roman qu'aurait écrit Adolf Hitler s'il n'avait pas été dictateur, et dans lequel il transmet toute sa pensée xénophobe et antisémite. Comment, Norman Spinrad, à quel moment, quel est le point de départ où vous êtes dit « je vais me mettre dans la tête d'Adolf Hitler, écrivain » Michael Moorcock is in here now. Alors, Michael Moorcock, il n'est pas là aujourd'hui, mais il était critique dans ce processus. Il était essentiel. Donc, avec il y avait la fantaisie héroïque, etc. Et j'ai dit à Mike, je lui ai dit, comment tu le fais? Comment ça marche? Et il m'a dit, alors, tu prends un mythe historique, par exemple, ou voilà, un morceau d'histoire, un truc, une histoire, et on y injecte plein d'imagerie freudienne. Et donc, un peu comme le Troisième Reich, quoi. Et ce n'est pas par hasard, d'une certaine manière, parce que Hitler, en fait, Hitler était vraiment très impliqué avec Wagner, pas Roland Wagner, bien sûr. Wagnerian opera. Donc, l'opéra de Wagner. Et la science-fiction à l'époque, c'était quoi? Opera. C'était space opéra. Donc, il y avait une similarité énorme. Parce que moi, je n'ai jamais vraiment accepté l'idée que l'Allemagne nazie, en fait, c'était une question économique. Ce n'était pas le cas. C'était la manipulation de la conscience et de la culture. Et la science-fiction, le space opéra, et la fiction, la musique de Wagner, et le fait qu'Hitler était un grand amateur de Wagner, il y avait quelque chose qui était central, crucial. Et donc, ça venait de là. Je rappelle que à la fin des années 80, en pleine révolution conservatrice, vous décidez de quitter les États-Unis pour venir vous installer en France, à Paris. Et moi, de cette époque, un peu après, hein, au début des années 90, il y a un roman qui me tient particulièrement à cœur dans votre œuvre, qui est En Direct, où vous décrivez un groupe écologiste radical qui prend en otage une chaîne d'information, donc En Direct précisément. Aujourd'hui, Norman Spinrad, à l'heure du tout info, de l'info continue permanente, du moment où l'information nous parvient systématiquement, partout, par les écrans, par nos téléphones portables, quel regard rétrospectif vous portez, vous, sur cette idée qui a fait émerger En Direct dans votre conscience littéraire? J'aime dire que la technologie, quelle que soit la technologie d'ailleurs, toute technologie est neutre d'un point de vue moral. Et c'est la façon dont on l'utilise, c'est ça la question. Là, si on regarde En Direct, Là, vous avez ces terroristes au chômage, en fait, qui cherchent des choses à faire. Et là, à New York, il y a eu quelque chose, et d'autres endroits aussi, où des terroristes de Daesh, ils cherchent des choses à faire. Des gens désœuvrés cherchent des actes à commettre. Mais on ne peut pas dire que c'est la faute de la technologie. C'est la faute de l'utilisation faite de cette technologie. Et je crois que ce qu'il faut combattre maintenant, actuellement, il y avait une ligne dans En Direct où c'était Hollywood est plus fort que Washington. Le show business, en fin de compte, a plus de pouvoir, plus de puissance dans la culture que la politique. Et Trump, c'est l'exemple parfait, ultime de cela. Il a vu une émission de télé pendant 8-9 ans, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il virait des gens. T'es viré. Alors maintenant, il tire sur des gens, quoi. Donc, il les vire aussi, donc... Quand j'ai écrit Jack Baron, je voulais imaginer une utilisation positive de cette technologie. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que dans l'ensemble, la culture du show business, en fait, ça n'a pas eu un effet positif, enfin moins positif que j'imaginais. Je ne dis pas que je suis responsable de tout ça, de ces horreurs, mais avec En Direct, j'ai compris qu'on peut faire des bombes sales. Là, j'avais été en Allemagne de l'Est, avec la chute du mur et tout, et puis on vendait tout dans les rues. Je ne l'ai pas fait, mais je me suis dit, si j'allais voir ces gens, je disais, je veux une masse critique d'uranium, par exemple. J'aurais pu l'acheter, je pense. Ou une masse sous-critique, peu importe. Mais bon, on le fait exploser, et puis voilà, l'atmosphère est empoisonnée. Et puis, voilà. Mais à l'époque... Je disais, j'ai besoin de ça pour l'histoire. Mais en fait, j'avais cette lutte intérieure. Je me disais, bon, j'ai besoin de ça pour mon histoire, mais bon, est-ce que je vais vraiment le publier? Est-ce que je dois donner l'idée à quelqu'un de faire ça? Bon, en fin de compte, je me suis dit, bah, si moi je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Donc voilà. Donc je l'ai fait. Bon, pour l'instant, personne ne l'a utilisé, mais... On peut imaginer la technologie, une technologie, puis d'autres vont suivre ce chemin imaginé. Alors, j'ai imaginé une certaine technologie musique dans Rock Machine, et maintenant, c'est tout à fait courant, quoi, pour le bien ou pour le pire. Mais je n'accepte pas la responsabilité de ceux qui gagnent les Emmys, quoi. Un mot tout de même sur ce thème transversal qu'on retrouve, que vous avez théorisé tout au long de votre œuvre. Vous parlez de la crise de la transformation. Je vous cite, la crise de la transformation, vous dites, je crois que toute civilisation d'être conscient approche un jour cette crise de la transformation, ce moment où une espèce tient en main sa propre destruction. Est-ce qu'on y est aujourd'hui, Norman Spinrad, selon vous ? Alors, quand j'ai écrit ça... je voulais vendre ça comme livre de non-fiction. Et je l'ai donné à mon éditeur qui a dit, non, on ne va pas le faire. On ne prend pas. Mais il faut le faire en tant comme roman. Et j'ai dit, bon, ok, je vais le faire comme roman, mais roman comique. Et c'était, il est parmi nous. Et maintenant, en commençant avec Hiroshima, d'une façon arbitraire, et on avance, et puis peut-être 100 ans encore après maintenant, Nous sommes, je pense, les générations transformationnelles, en fait. Donc on va faire la transformation, ça va marcher, et puis après on peut avoir une culture qui va être durable, un système solaire qui peut durer plus d'un million d'années. Sinon, on va se détruire. Et maintenant, on est vraiment au cœur de ça. Et ça va être le cas pendant encore 100 ans, je pense, probablement. Donc j'essaie d'écrire un petit peu là-dessus dans un roman. C'est une nouvelle qui s'appelle L'épée de Damoclès. Et bon, je pense qu'on arrive vers la fin, il faut que je parte peut-être, je ne sais pas, mais bon, je vais laisser comme mot de la fin quelque chose de positif. Si on y réfléchit, il y a 200 ans, plus ou moins, l'esclavagisme, ça allait, c'était bon, c'était accepté, c'était normal. Après Hiroshima, et c'était il y a plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle, l'Union soviétique est disparue. Les États-Unis ont perdu la guerre au Vietnam. Maintenant, on perd une autre guerre, mais bon. L'Inde, le Pakistan, ils ont l'arme nucléaire. Personne ne les utilise. Personne ne l'a utilisé. Et je pense que personne ne les utilisera. Car, à mon avis, il y a l'évolution morale. Et je pense que si on regarde il y a quelques siècles, on voit que réellement, nous avons... On n'est pas parfait, bien sûr, on n'a pas évolué vers la perfection, mais je pense que nous avons évolué d'un niveau moral. Même la phallocratie, le féminisme, c'est un problème, ça reste un problème. Mais si on compare ça à ce qu'il y avait avant, il y a même 50 ans, on voit que nous avons évolué. Mais justement, dans Mansfield Rad, quand on constate l'état de la société actuelle, le dérèglement climatique, l'accroissement des inégalités, l'accroissement de la démographie, on a l'impression qu'on est dans un moment où on n'est pas loin de l'effondrement systémique. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de se projeter comme vous le faisiez, d'anticiper en littérature, ou est-ce que le temps s'est accéléré, la science s'est accélérée, la possibilité d'anticiper s'est réduite? C'est une bonne question. Nous avons évolué. Nous avons des pouvoirs technologiques, scientifiques énormes. Et je pense que les pouvoirs des médias ont mis en danger la démocratie électorale. Alors, est-ce qu'il y a des façons de contourner ça? Peut-être. Peut-être pas. Mais là encore, tout ça, ça fait partie d'une crise de transformation. C'est une crise, on ne sait pas. Quand on regarde le changement climatique... Là, j'ai beaucoup parlé de ça quand j'ai écrit « Bleu comme une orange ». Donc là, on a ce monde post-réchauffage climatique, réchauffement de la climat, où le socialisme n'a pas marché, le communisme n'a pas marché, le capitalisme non plus. Mais il y a une certaine survie parce qu'il y a cette évolution morale. Même les gangsters, même les méchants, ils ont leurs limites. Donc, s'il faut sauver la planète, même si on va perdre de l'argent, on n'a pas le choix. C'est la même chose avec la Sibérie. Ils disent, bon, si on fait refroidir la planète, on va perdre notre utopie, mais bon, s'il faut ça, il faut le faire. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la science-fiction, l'anticipation n'a plus que deux choix, soit des univers post-apocalyptiques, c'est-à-dire après la catastrophe, soit des réalités dystopiques où les choses se sont mal passées. Est-ce que, en deux mots, la science-fiction est devenue soit pessimiste, soit réactionnaire ? Alors vous savez, je pense que ça, c'est un truc littéraire, en fait. Si on veut parler d'un futur qui est différent, qui a changé, là, on imagine une catastrophe qui a détruit la culture précédente, là, pour pouvoir écrire ce qu'on veut. Non, mais j'aime pas le faire, ça. Dans Enfant de fortune, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc cette culture qui n'a rien oublié. Après tout, on connaît plein de choses sur la Grèce antique, là, et puis sur Rome. Ils n'avaient pas de CD-ROM, ils n'avaient pas de CD, ils n'avaient pas d'impression de masse. Ils n'avaient pas tout ce qu'on a. Maintenant, à l'idée qu'il y aura une catastrophe qui va détruire la connaissance des mondes de l'avenir, de notre connaissance actuelle, c'est des conneries, ça. Là, il faut parler de la transformation, d'une manière ou d'une autre. Un dernier mot pour conclure cet entretien, Norman Spinrad. Il y a eu des projets d'adaptation, notamment de Jack Baron, qui ne se sont pas faits. Vous avez contribué à quelques scénarios, mais ça n'a jamais tout à fait pris avec le cinéma. Est-ce que vous êtes aujourd'hui curieux de ce qui est en train de se passer, paradoxalement, à la télévision, dans des séries télévisées? Je pense par exemple à des séries d'anticipation comme Black Mirror. Je pense à l'adaptation récente qui a été faite du roman de Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, qui décrivent des futurs proches et des futurs dystopiques où les choses se sont mal passées. Est-ce que ce sont des modèles de création, de liberté de création qui vous intéressent, que vous suivez, desquels vous êtes curieux? Alors, je ne sais pas pour cette question, mais il y a plusieurs courants de la science-fiction, comme tout le reste. Il y a des choses positives, des choses négatives. Il y a des éléments purement commerciaux. Donc, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Si c'est la fin, je vais terminer avec quelque chose qu'a dit Phil Dick dans un roman où il y a eu des choses mauvaises qui sont passées. Il y a un personnage qui dit, et j'ai écrit une chanson là-dessus d'ailleurs, le personnage dit, bon, étant donné qu'on vient tous de la terre, de la boue, peut-être, après tout, c'est pas si mauvais que ça. Donc voilà, j'ai la confiance que même dans les situations les plus difficiles, on va se débrouiller. Et ça, c'est Philip K. Dick. Norman Spinrad, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. On va mettre évidemment tous les liens vers vos livres sur le fil Twitter de l'émission. Merci Norman Spinrad d'avoir été avec nous. Merci évidemment à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomeïev, Étienne Milena, Elie à la réalisation, à la technique Jean-Christophe Perrin, Christophe Michou, Benjamin Perru et Yvan Charby. Et merci beaucoup Bernard Rives pour la traduction. Merci encore.